Chapitre 8. L'enterrement. À Plestin-les-Grèves, quand j'étais enfant, les morts étaient conduits au bourg en charrette, le recteur les précédant à cheval. Cette charrette était un chariot ordinaire de ceux qui servent à transporter les blés au marché ou le fumier au champ. On l'aménageait toutefois d'une façon spéciale pour la circonstance. Par exemple, on disposait des branches de saule courbées en arceaux pour former capote au-dessus du cercueil. Sur ces arceaux, on étendait des draps blancs, et les chevaux ou les bœufs que l'on attelait étaient pareillement revêtus d'un drap en guise de caparaçon. C'était aussi un simple drap qui recouvrait le cercueil, les ornements funéraires n'existant pas alors dans le mobilier de nos églises de campagne. Communiqué par mon père, Tréguier, 1898. Aujourd'hui, les morts ne sont plus transportés en charrette au cimetière, sauf en quelques cantons de la basse Cornouaille. Dans les communes qui n'ont pas de corbillard, ils sont portés à bras par des personnes désignées d'avance. Quelquefois, c'est le mourant lui-même qui les a désignés. En Irlande, chacune des personnes qui font partie du convoi funèbre tient à honneur de porter le cercueil pendant une partie du chemin. Dans l'ouest de l'Irlande, quand on porte un corps au cimetière, les porteurs s'arrêtent à moitié chemin et élèvent un petit monument de pierre sèche auquel personne n'ose jamais toucher. Ces porteurs, ainsi que les gens qui tiennent les cordons et les cierges, doivent appartenir à la même catégorie sociale que le défunt, c'est-à-dire que les mariés doivent être portés par des mariés, les jeunes gens par des jeunes gens, les laboureurs par des laboureurs, les marins par des marins. Les personnes investies de ces fonctions se cotisent entre elles après l'enterrement en vue de réunir l'argent d'un service funèbre pour le trépasser. Communiqué par mon père, Tréguier. Quand un cercueil est transporté en voiture au cimetière, il ne faut pas que l'homme qui conduit monte dans le véhicule. Il doit aller à pied, tenir le cheval de tête par la bride. Il ne faut jamais donner un coup de fouet aux chevaux qui traînent un corbillard. S'ils s'arrêtent, il faut attendre qu'ils se remettent d'eux-mêmes en marche, ou en tout cas ne les stimuler que de la voix en leur parlant avec douceur. Si le corbillard s'arrête en se rendant au cimetière, il y aura bientôt un autre mort dans la maison de celui que l'on porte en terre. Si le véhicule dans lequel on porte le cercueil au cimetière s'arrête à un moment donné sur le parcours, c'est signe que, dans les 8 jours, il servira au même office pour un des autres membres de la famille du mort ou, à tout le moins, pour une des autres personnes de son village. Communiqué par Paul Coudray, Quimper. D'après le bruit que font les roues de la charrette mortuaire, on peut dire si le mort est directement sauvé ou non. Si elle tourne sans effort, c'est qu'il ira tout droit au ciel. Si, au contraire, elle grince, il devra subir une pénitence d'autant plus dure et plus longue que les grincements seront plus criards. Dans les parages des Lions et de Tourcq, chez les Méléniques, il est d'usage qu'en tête du convoi funéraire le plus proche parent du défunt porte une grande lanterne à vitre de corne où brûle un cierge béni. Méléniques, on appelle ainsi les populations de ces communes parce que la couleur qui domine dans les broderies de leurs vêtements est le jaune, mélène. À l'île de Saint, lorsqu'un mari perd sa femme, il va quérir les plus proches parents de la défunte, généralement les cousins germains, pour creuser la fosse. C'est lui-même qui donne les mesures. Le travail terminé, si les mesures ont été observées, il prononce « elle est bien faite ». Après quoi, il paie à boire à l'auberge. Les personnes qui ont creusé la fosse sont aussi celles à qui revient le privilège de porter le corps au cimetière. Avant que le cercueil sorte de la maison mortuaire, on met une marmitée de soupe sur le feu, et au retour de l'enterrement, cette soupe est servie à toute la parenté, avec accompagnement de rasade d'eau de vie. Communiqué par Henri Porsmoguer, Île-de-Saint. Il ne faut pas faire passer 2 fois le cercueil d'un mort sur un pont, sinon le pont croulera. C'est ainsi qu'à Châteaulin, où l'église est située sur la rive droite du canal, le canal de Nantes à Brest, et le cimetière sur la rive gauche, Quand quelqu'un meurt sur cette rive gauche, plutôt que de lui faire franchir deux fois le pont, on célèbre le service d'enterrement non dans l'église paroissiale, mais dans la chapelle votive qui lui fait face sur l'autre berge et qui est connue sous le vocable de vieux bourg. Lorsqu'un convoi funèbre s'apprête à franchir un pont, les prêtres s'interrompent de chanter jusqu'à ce qu'on l'ait franchi. Communiqué par Henri Coudray, Corée. Dans le Léon, sur le trajet suivi par le convoi funèbre, on heurte la tête du cercueil au piédestal de toutes les croix dressées le long du chemin. En Irlande, avec le bois qui reste une fois le cercueil achevé, on fait de petites croix de 60 cm de haut et de 27 cm de large. Ces croix sont peintes en vert, bleu, rouge et jaune. Elles sont effilées à la base. L'une qui doit être plantée sur la tombe est mise sur le cercueil. Les autres sont portées derrière par ceux qui mènent le deuil. Au carrefour le plus proche du cimetière, il y a un arbre, frêne ou aubépine. Le cortège s'arrête et les porteurs de croix montent dans l'arbre et fixent leur croix dans les branches. Cette coutume a été constatée à Comté de Mayo, à Ténacre et à Bannow, Wexford. En Irlande, si un cortège funèbre sur le chemin du cimetière rencontre une vieille église, il en fait trois fois le tour. De même, avant de descendre le corps dans la fosse, on porte le cercueil trois fois autour de deux bêches disposées en croix. À Bénodet et dans la région, au moment où le cercueil sort de l'église, après la messe d'enterrement, les porteurs ont coutume de le heurter à la muraille. À Saint-Mailleux, côte du Nord, quand on entre une bière à l'église, on heurte d'abord le côté gauche, puis le côté droit de la porte avant d'entrer. Ils agissent ainsi, selon d'aucuns, pour dire adieu à l'église au nom du mort, selon d'autres, pour demander à Saint-Pierre d'ouvrir toutes grandes à l'âme les portes du paradis. Les marins de Logivy, près de Paimpol, qui vont chaque été faire la pêche du homard à l'île de Saint, ont l'habitude, quand l'un des leurs trépasse dans l'île, d'aller baiser le cercueil avant qu'il sorte de l'église pour être inhumé au cimetière. 5 ans plus tard, le temps légal écoulé, ils procèdent à l'exhumation des reliques pour les rendre à la terre logivienne et les emportent vers le bateau où elles doivent être embarquées, en suivant le même cérémonial que le jour de l'enterrement provisoire. Il ne faut jamais se mettre à la fenêtre ou sur le seuil de la porte pour regarder passer un enterrement, sans quoi l'on a l'air de se moquer du mort, de lui dire « Tu vois, nous restons ici, tandis que tu t'en vas là-bas. » Le mort ainsi provoqué toujours se venge. Le seul moyen de l'honorer et d'éviter sa colère, c'est de sortir dans la route, de s'agenouiller à terre et d'incliner la tête sur son passage. On ne doit pas regarder un enterrement par la fenêtre sous peine de suivre bientôt le mort dans sa tombe. En Irlande, si l'on rencontre un enterrement, on doit faire volte-face et suivre l'enterrement au moins la distance de 4 pas. La maison seule. Il ne faut jamais laisser la maison seule pendant l'enterrement, sinon le mort dont on croit accompagner la dépouille au cimetière reste la garder. Un boucher de Gouenac devait le prix d'un veau à des fermiers de Cloire. Un samedi matin, passant à peu de distance de la ferme, il se dit « Tiens, je vais faire un détour et régler la vieille Laridon. » Naïque Laridon était le nom de la bonne femme qui tenait la ferme avec ses 2 fils. Le voilà donc de prendre le chemin qui menait chez elle. En entrant dans la cour, il fut assez surpris de n'apercevoir personne nulle part. « Est-ce qu'ils seraient tous au champ ?» pensa-t-il. La porte même de la maison était fermée, contre l'habitude. Il se risqua néanmoins à soulever le loquet. Le battant tourna sur ses gonds et il se trouva dans la cuisine. Elle lui parut aussi déserte et silencieuse que le dehors. « Hola ! » cria-t-il. « On est donc tous morts ici ?»« Ma foi, c'est à peu près comme vous dites, » lui répondit une voix cassée qu'il reconnut pour être celle de la vieille Laridon. Comme il faisait très sombre dans le logis, il demanda « Où êtes-vous, Naïque ?»« Ici, dans le coin de l'âtre, bouché. » Il s'approcha et la vit en effet, qui remuait la cendre du foyer avec la petite fourche en fer dont on se sert dans les campagnes pour mettre au feu les branchettes d'ajonc. Oh bien, reprit le boucher, je n'ai affaire qu'à vous. Je viens vous apporter le prix de votre veau. Voulez-vous compter l'argent? C'est 4 écus, si j'ai bonne mémoire. Oui, vous n'avez qu'à les déposer sur la table. À votre gré, santé à vous, Naïque, et à la prochaine, car je suis pressé. Dieu nous donne la grâce de nous revoir, boucher. Jamais il n'avait trouvé la vieille si accommodante. Elle ne s'était pas même dérangée pour vérifier si la somme y était. Elle qui, d'ordinaire, réclamait volontiers plus que son dû. Tout en se faisant ses réflexions, le boucher avait regagné la grande route. Au moment où il l'atteignait, il vit venir de la direction du bourg de Cloire un groupe de gens en deuil. Parmi eux étaient les deux fils Laridon. Il s'arrêta pour les bonjourer au passage. « Il y avait donc un enterrement aujourd'hui ?» leur demanda-t-il. « Oui, » répondit l'aîné des Laridon d'une voix triste. « Quelqu'un de vos proches, peut-être. C'est donc ça que j'ai trouvé votre mère tisonnant la cendre d'un air si préoccupé. Elle n'a même pas eu le cœur de compter l'argent que je lui apportais pour le prix du veau. » Les deux Laridon le regardaient, hébétés. « Notre mère, dites-vous? Vous avez parlé à notre mère? Certes. Qu'est-ce qu'il y a là de si extraordinaire que vous me dévisagez avec cette mine? Mais c'est elle que nous venons d'enterrer. » Ce fut au tour du boucher d'écarquiller les yeux. « Je l'ai pourtant vue comme je vous vois, » affirma-t-il. La servante des Laridon qui était avec eux leur dit alors, « Je vous avais averti, il ne fallait pas laisser la maison seule. Maintenant la morte ne la quittera qu'au coucher du soleil. » Les Laridon et leur suite attendirent cette heure-là pour rentrer chez eux. Quand ils pénétrèrent dans la cuisine, la morte en était partie. Mais l'argent du boucher était bien sur la table, et la fourche à prendre l'ajonc était couchée en travers de la cendre sur la pierre du foyer. Comptée par Joseph Mahé, Quimper. En Écosse, il y a une croyance comparable à celle-là. Il faut, dit-on, aussitôt le cercueil enlevé, retourner les chaises sur lesquelles il était placé et les laisser là jusqu'au coucher du soleil ou jusqu'au retour de l'enterrement, sinon l'esprit du mort reviendrait. En Galles, il y a une cinquantaine d'années, les gens qui avaient assisté à l'enterrement jetaient dans la tombe, après les dernières prières, de petites branches de romarin. Archaeologia Cambrensis, 1872, page 333. Les cimetières. Le cimetière de Lanrivoiré renferme les corps de 7727 saints. On n'y peut entrer qu'après s'être déchaussé. Un étranger qui y avait pénétré en sabot tomba à la renverse, ses entrailles autour de lui. Dans un coin du cimetière, on voit des pains métamorphosés en pierre, parce qu'un seigneur qui surveillait la cuisson de son pain avait refusé d'en donner un morceau à un pauvre. Sauvé, le cimetière des saints, annuaire des traditions populaires. Il ne faut jamais se risquer dans les cimetières la nuit sous peine de malheur. Si l'on est contraint pour quelque motif d'y passer, on le peut cependant sans dommage, à la condition que ce soit aux heures impaires, 9h, 11h, etc. L'arbre consacré des cimetières bretons est l'if. Il n'y en a généralement qu'un par cimetière. On dit qu'il pousse une racine dans la bouche de chaque mort. Dans une légende bretonne bien connue, le lys merveilleux qui pousse sur la tombe de Salahune l'insensé sort de la bouche même du cadavre. En Irlande, c'est du corps de noisée et de derdré que sortent les deux arbres qui ont poussé sur leur tombe. En Cornouailles, on ne touche jamais aux arbustes du cimetière. Si on en arrachait les feuilles ou les branches, on serait visité la nuit par les esprits. Dans le pays de Lannion, on a coutume de dire plaisamment qu'à Saint-Michel-en-Grève, les morts n'emportent pas leurs ongles avec eux dans la terre. Et le Michel en Tresna, Teto, Ivino, Gantan, Dut, Endoir, que si vous demandez pourquoi, on vous répond parce qu'ils sont inhumés dans le sable. Le cimetière est en effet situé en bordure de la grève, et malgré le parapet qui le protège, continuellement ensablé. Sur la côte sud du Finistère, l'usage veut, surtout s'il s'agit d'un marin, que l'on recouvre le cercueil dans la fosse avec du sable fin et blanc, prise à la grève prochaine. Le mort qu'on vient d'enterrer n'a pas encore commencé sa première nuit dans le cimetière, que le dernier mort enterré avant lui s'approche de sa tombe et lui dit « Lève-toi, c'est à toi de prendre la garde ». Et il faut qu'il se lève et qu'il prenne la garde auprès de la porte du cimetière pour veiller sur ceux qui y dorment, jusqu'à ce qu'il y ait dans la paroisse un nouveau décédé qui le remplace, car c'est toujours le dernier venu qui remplit cette fonction. Laurie Clore, Painvénan, 1896. En Irlande, il y a une croyance analogue. La dernière personne enterrée ne repose pas et doit garder les autres. Aussi, quand deux personnes sont mortes en même temps, les parents des deux défunts rivalisent de célérité pour les faire enterrer. À Rainville, pendant que l'on creuse la tombe, les hommes présents fument et laissent du tabac et des pipes pour l'âme qui garde les autres tombes. À Salrock, on conserve les pipes dans des boîtes placées sur les tombes. À Kilmary, le dernier mort qui entre dans le cimetière a pour mission de tirer de l'eau pour humecter les lèvres des âmes du purgatoire. Lorsque deux convois se présentent en même temps à la porte du cimetière, les deux cortèges se livrent bataille et le parti vainqueur entre le premier. Dans le cimetière de Kilranella, il y a un puits, et dans le mur au-dessus de ce puits, une sorte de retrait où sont logées des coupes en bois. Ces coupes sont fournies par tous ceux qui enterrent dans le cimetière un enfant au-dessous de 5 ans. L'âme du dernier mort enterré doit donner une coupe d'eau à chacun de ses prédécesseurs et garder l'enclos sacré jusqu'à l'arrivée du prochain convoi. L'idée que les morts ont soif est très répandue dans les pays celtiques. Dans les hébrides, on met quelquefois un bol d'eau dans le lit d'où l'on a enlevé un cadavre pour le cas où le mort aurait soif. D'après Lady Wilde, le dernier mort enterré a soit à garder les autres, soit à porter du bois et de l'eau dans l'autre monde, soit à revenir sur terre annoncer à quelqu'un de sa parenté la prochaine venue de la mort. En Bretagne, les tombes du cimetière de Collerec sont munies chacune d'une écuelle servant de bénitier, celle-là même, dit-on, où le mort avait coutume de manger sa soupe quand il était de ce monde. Ils sont généralement deux gardiens de la mort, un homme pour les hommes, une femme pour les femmes, et ils se tiennent la nuit l'un en face de l'autre, chacun d'un côté de l'entrée du cimetière. Mon Olivier de Camlaise, revenant assez tard dans la nuit de la moisson à Kéram, vit, en passant devant le cimetière, un homme et une femme adossés chacun à un des piliers de l'entrée et qui semblaient se cacher d'elle. Elle crut que c'étaient des amoureux qui s'étaient donné rendez-vous là pour causer sans être vus. Et elle leur dit, histoire de les plaisanter, « Vous avez tout de même choisi un drôle d'endroit, jeunes gens. » Mais une voix lui répondit qui la fit se sauver au plus vite. « Allez en votre chemin et attendez d'être ici pour vous mêler de ce qui s'y passe. » Catherine Carvenet, Port-Blanc, 1902. Les charniers. Autrefois, il y avait des charniers dans tous les cimetières bretons. Il en reste encore quelques-uns, mais dont on ne prend plus soin. Les charniers sont cependant encore très soigneusement entretenus dans le pays de Goëlo. On y laisse les reliques à Relégou, moisirant à pêle-mêle. Il y a seulement une trentaine d'années, les choses n'allaient pas de la sorte. En ce temps-là, quand on exhumait un squelette, on rangeait les os les uns sur les autres en bon ordre et l'on plaçait la tête dans une boîte à laquelle on donnait tantôt la forme d'un cercueil, tantôt celle d'une chapelle. Les murs des charniers étaient garnis de ces petites boîtes peintes de diverses couleurs, en noir si le défunt était d'âge mûr, en blanc si c'était un enfant, en bleu si c'était une jeune fille. Sur chacune se lisait l'inscription funéraire, sigil le chef de, suivi du nom du trépassé. La relation d'une promenade archéologique faite en Bretagne en septembre 1850 par messieurs de Caumont de Soultrey et G. Bouet, bulletin monumental, volume 16, 1850, page 433. Le soir de la Toussaint, après les vêpres de la Nanne, avait lieu la procession du charnier. Par les sentiers, entre les tombes, la foule se dirigeait vers l'ossuaire, clergé en tête. Il m'a été donné d'assister encore à une procession de ce genre dans quelques bourgs de la Cornouaille. Un prêtre entonnait l'hymne lugubre, Deum d'Argarnel Christenien, allons aux charniers, chrétiens. La lueur vacillante de quelques torches éclairait par intervalles l'intérieur de l'ossuaire. Par les ouvertures en forme de cœur dont étaient percées toutes les boîtes, il semblait que l'on vît grimacer la bouche triste des morts. On disait de mon temps que, durant cette nuit-là, les bouches sans lèvres des trépassés recouvraient la parole et qu'on entendait deviser entre elles les têtes de morts des ossuaires. « Qui es-tu ? » demandait une des têtes à sa voisine. La conversation s'engageait et, peu à peu, devenait générale. Un vivant à qui il eût été donné d'y assister aurait été renseigné en une seule nuit sur tout ce qui se passe de l'autre côté de la mort. En outre, il aurait entendu nommer tous ceux qui devaient mourir dans l'année, comptés par mon père, Tréguier. En Galles, la veille de la Toussaint, sous le porche de l'église d'Aberhafesp, une voix venant de l'église proclama à minuit le nom d'un homme qui, peu de semaines après, mourut. En Irlande, à Pâques, à la Pentecôte et à Noël, si après avoir orné les tombes de leurs parents, les gens écoutent dans l'obscurité à la porte de l'église, ils entendent les noms de ceux qui mourront bientôt. La curiosité de Yuennick Bollock. Yuennick Bollock eut cette curiosité impie. Yuennick Bollock était un mendiant qui ne manquait ni d'esprit ni de savoir-faire. Il s'était fait ce raisonnement. Si je pouvais prévenir d'avance du jour de leur mort tous ceux qui sont destinés à mourir cette année, j'arriverais à me faire ainsi de jolis profits. Donc, le soir de la Toussaint, il s'arrangea pour être à Castelpaul, Saint-Paul-de-Léon. Il avait entendu dire qu'à Castelpaul, il y avait non pas un, mais 10, mais 20 charniers dans le cimetière. Il se dissimula tant bien que mal en se couchant dans l'herbe à plat ventre. Et il attendit en cette posture le colloque des morts. Vous n'ignorez pas qu'à Castelpaul, les ossuaires sont encastrés dans les murs du cimetière. Un mort de l'un des charniers interpella un autre mort du charnier d'en face. « Ami, disait-il, est-ce que tu m'écoutes ?» Yuennick Bollock sentit cette parole passer au ras de lui comme le souffle glacial d'une bise. « Ami, répondit l'autre mort. « Je t'écoute, mais il y a un vivant entre nous. Je le sais, il est venu pour entendre la liste des morts de la prochaine année. Qu'il l'entende donc, qu'il sache que le premier de la liste n'a plus à vivre que 2 minutes. Qu'il sache que le premier de la liste a nom Yuennick Bollock. » Les deux voix se croisaient à travers la nuit, rapides, sifflantes. Chacun des mots qu'elles proféraient entrait comme un fer froid dans les oreilles du pauvre mendiant. À peine son nom eut-il été prononcé qu'il rendit l'âme. On trouva le lendemain son cadavre raidi. On crut qu'il avait eu le sang gelé par la grande fraîcheur de la nuit et on l'enterra à l'endroit même où il était trépassé. Compté par Jean Cloarec, Laz, Finistère, 1890. Celle qui passa la nuit dans un charnier. C'était un soir de grande journée à Guernotaire. On appelle grande journée des Besbras certaines solennités agricoles. Elles ont lieu pour des travaux d'importance auxquels ne suffisent ni le personnel ni le matériel ordinaire de la ferme. On y convoque le banc et l'arrière-banc des voisins et amis. Tels sont en particulier les charrois de sable et de varech. Il y avait là réunis les domestiques principaux de 3 ou 4 fermes des environs. Le souper avait été copieux et largement arrosé, comme c'est l'usage en pareille circonstance. Quand tous eurent bu et mangé à leur content, on fit cercle autour du foyer. Les hommes allumèrent leurs pipes, les femmes s'assirent à leurs rouets et une conversation générale s'engagea. D'abord, cela va sans dire, on devisa des incidents de la journée qui avaient été laborieuses. Les gens de Guernotaire et ceux des fermes qui leur avaient prêté bonne aide étaient partis dès 3 heures du matin pour Saint-Michel en grève, un voyage de 5 lieues, un long voyage lorsqu'il s'agit de le faire au retour avec des tombes rechargées de sable humide par-dessus bord. À ce propos, on parla harnais. On vanta les talons gris de Roclaz, le plus fier limonier qu'il y eut à la ronde. Puis on en vint à dire un mot des bourgs que l'on avait traversés. Chacun fut d'avis que le meilleur cidre d'auberge se buvait chez les Moulecs à Ploumilio. Oui, appuya Modeste Mérien, un dégât. Et si l'on m'en donnait seulement par jour une douzaine de chopines à boire, j'irais volontiers remplacer l'encou de Ploumilio pendant une semaine ou deux. Ne plaisantez pas ainsi, Modeste, dit la maîtresse de Guernotaire. Vous aurez peut-être affaire à l'encou plus tôt que vous ne voudrez. Cette réflexion de Marie-Loire suffit pour incliner la conversation vers les choses de la mort. Une servante cita l'exemple de quelqu'un qui s'était moqué d'Hervoanic Pluillot et qu'on avait trouvé noyé le soir même. « Tout ça, c'est des histoires de bonnes femmes, » ricana un des assistants. « Les morts sont morts, » ajouta un autre. « Un mort ne peut rien contre un vivant. »« N'empêche, » reprit la servante, « que si on vous proposait de passer la nuit dans le charnier, vous ne parleriez pas si haut. » Tous les gardes se récrièrent en chœur. Quand les hommes ont de la boisson sous le nez, ils sont prêts à manger le diable et ses cornes. Oui, en parole, car à l'action, ils ne sont pas si braves. C'est ce que l'on vit bien ce soir-là à Guernotaire. Yvon Loirne, le maître, n'avait bu que modérément, afin de mieux griser son monde. Il s'était fourré dans le coin de l'âtre, et de là, il écoutait plus qu'il ne parlait. En entendant les gars se récrier de la sorte aux propos tenus par la servante, il intervint. « Eh bien, » prononça-t-il, feignant un grand sérieux, « il ne sera pas dit que j'aurais perdu une si belle occasion de mettre au défi les gaillards de votre valeur. Je donne demain matin un écu de 6 francs à celui d'entre vous qui aura le courage de passer toute cette nuit dans le charnier. » Les gars s'entre-regardèrent, riant d'un rire forcé, faisant mine de tourner la chose en simple jeu. 2 ou 3 gagnèrent la porte, comme pour satisfaire un besoin. « Allons, » insista Yvon Loirne, « tâtez-vous. J'ai dit 1 écu de 6 livres. 1 écu de 6 livres à gagner en une seule nuit. Vous n'aurez pas souvent pareil aubaine. Qui se décide ?» Personne ne se décidait. Tous cherchaient une défaite. Ce fut Modeste Mérien qui la trouva le premier. « J'accepterais la gageure, » dit-il, « si la journée n'avait été si rude et si longue. Mais ce soir, Yvon Loirne, je ne donnerai pas pour 20 écus de 6 livres mon lit de bal d'avoine dans l'écurie du Mésumeur. » Et là-dessus, il se leva. Les autres appuyèrent son dire et se disposèrent à imiter son exemple. Le maître de Guernotaire allait sans doute leur décocher quelques traits d'ironie lorsque, du milieu des femmes, une petite voix claire se fit entendre. « Maître, disait la petite voix, me donneriez-vous, tout comme à l'un de ceux-ci, les 6 francs si je faisais ce qu'il n'ose faire ?» Celle qui hasardait cette question était une fillette de 13 ou 14 ans, mais si chétive, si menue qu'elle n'avait pas l'air d'en avoir 10. On l'appelait Monique, tout court. Elle n'avait pas de nom de famille, parce qu'elle ne s'était jamais connue de parents. C'était une enfant de l'aventure. On l'avait recueillie à la ferme par pitié. On l'y employait comme vachère. Elle n'avait pour gage que sa nourriture et son vêtement. D'ordinaire, elle n'élevait jamais la voix à la veillée, où on l'occupait à dévider le fil qu'avaient filé les autres servantes. Elle s'acquittait de sa tâche, à l'écart, silencieusement. Tout au plus l'entendait-on chuchoter en travaillant quelques prières, car elle était dévotieuse, l'esprit toujours tendu vers les choses de la religion. Grande fut la surprise de Marie la fermière quand elle vit la langue de Monique se délier si hors de propos. « Écoutez donc cette mijaurée, » s'écria-t-elle. « On a bien raison de dire que l'envie d'argent est la perte des âmes. Voici une malheureuse qui... pour 6 livres, consentirait à se damner si on la laissait faire. N'avez-vous pas de honte, petite va-nu-pied que vous êtes ? Croyez, maîtresse, que si je gagne cet argent, je n'en ferai pas mauvais usage, répondit humblement la petite gardeuse de vache. Tu en feras l'usage qu'il te plaira, dit le fermier, pourvu que tu le gagnes. Je ne suis pas fâché de voir une femmelette comme toi relever un défi devant lequel ces hommes reculent. Seulement, nous t'accompagnerons jusqu'au charnier, nous fermerons sur toi la porte, et tu n'en sortiras que demain matin à l'aube, quand nous irons t'ouvrir. Ainsi fut fait, malgré les protestations indignées de Marie Loirne. Le charnier était plein d'ossements. Mais dès que Monique fut entrée, les ossements se rangèrent contre les murs, s'empilant les uns sur les autres pour lui faire une place où elle put s'étendre comme dans son lit. Monique commença par s'agenouiller, invoqua la protection des âmes défuntes, puis s'allongea sans crainte sur le sol de terre humide qui sentait la mort. À peine se fut-elle étendue qu'une torpeur délicieuse envahit tous ses membres, et des musiques douces, lointaines, se prirent à murmurer autour d'elle, comme pour la bercer. Elle ne se souvenait plus d'être dans un ossuaire, elle était ailleurs, mais elle ne savait pas où, dans un pays tout bleu, tout bleu. Elle ne distinguait rien, elle essayait d'ouvrir les yeux pour voir, mais ses paupières étaient aussi lourdes que si elles eussent été de plomb. Elle dormit ainsi sa pleine nuitée d'un sommeil surnaturel. À l'aube, elle fut étonnée de se retrouver dans le charnier. La porte était déclose, et le maître de Guernotaire disait à la fillette « Voici l'écu de 6 livres, Monique. Il est à vous, vous l'avez bien gagné. » « Je vous remercie, mon maître, » répondit l'enfant. Et elle se rendit à l'église avec la pièce blanche. Le recteur était à son confessionnal. Elle l'y alla trouver, lui conta ce qu'elle avait fait, et lui remettant l'argent, le pria de dire une messe à l'intention de l'âme du purgatoire qui en avait le plus besoin. « Peut-être est-ce l'un de mes parents inconnus qui en bénéficiera, » ajouta-t-elle. « C'est pour cela que j'ai toujours rêvé, depuis que je suis en âge de raison, d'avoir à moi quelques sous. » Les âmes défuntes le savaient, aussi m'ont-elles protégée cette nuit. « Eh bien, » dit le recteur en lui donnant l'absolution, « vous allez être tout de suite satisfaite. La messe que je vais dire sera vôtre. » Monique y assista pieusement et prit part à la communion. La messe finie, comme elle s'apprêtait à sortir l'âme légère pour gagner Guernotaire, elle se croisa sous le porche avec un homme à cheveux blancs. Il semblait vieux comme la terre, et cependant il avait le corps droit, la démarche aisée. Il aborda la fillette avec une profonde révérence. « Jeune demoiselle, porteriez-vous ce billet à Kersaliou ?»« Oui, bien, homme vénérable, » répondit-elle en prenant le billet qu'il lui tendait. Le vieillard eut un sourire si bon, un remerciement si tendre, que Monique croyait encore voir le sourire, entendre le remerciement, tandis qu'elle s'acheminait vers Kersaliou, et jamais elle n'avait eu au cœur une joie si douce. « Quelle belle figure il avait !» pensait-elle. Kersaliou est un manoir noble dont dépendait avant la Révolution le domaine de Guernotaire. Une avenue de grands hêtres y conduit. Lorsque la petite vachère s'engagea dans l'avenue, les feuilles des hêtres se mirent à bruire et presque à chanter, comme si chacune d'elles avait été un oiseau. « Je ne sais pas, » se disait Monique, « mais il me semble qu'il va m'arriver aujourd'hui quelque chose d'extraordinairement heureux. J'ai comme un pressentiment que la rencontre de ce vieillard me portera bonheur. » Elle allait entrer dans la cour de Kersaliou quand elle se trouva face à face avec le propriétaire du manoir. Elle le bonjoura. « Où allez-vous ainsi, ma petite ?» lui demanda-t-il. « Chez vous, monsieur de Kersaliou. » « Et qu'allez-vous faire chez moi ?» Vous apportez ce billet qui m'a été remis pour vous. » Elle raconta son aventure du porche et combien le vieillard lui avait paru beau malgré son grand âge. « Le reconnaîtriez-vous si on vous faisait voir son portrait ?» interrogea le gentilhomme qui, à la lecture du billet, était subitement devenu tout pâle. « Certes, oui, je le reconnaîtrais. Venez donc. » Il l'emmena au manoir et lui en fit parcourir toutes les chambres. Quoique Kersaliou fût bien déchu de son ancienne splendeur, les appartements y avaient gardé fort grand air. Aux murs, dans de vastes cadres enrichis de dorures, étaient suspendus des portraits représentant d'illustres personnages de la maison noble de Kersaliou. Le seigneur actuel promena Monique de l'un à l'autre. Devant chacun, il lui demandait « Est-ce celui-ci ? » « Non, » répondit-elle, « ce n'est pas encore celui-là. » Ils défilèrent ainsi devant tous. Monique avait beau regarder avec attention, Dans aucun d'eux, elle ne reconnaissait l'imposante et vénérable figure du vieillard rencontré sous le porche. Le maître de Kersaliou demeura un instant sans mot dire la mine songeuse et désappointée. Tout à coup, il se frappa le front. « Suivez-moi au grenier !» ordonna-t-il à la fillette. Ce grenier était plein d'une foule de choses des temps d'autrefois. Il y avait là de vieilles draperies en loques, de vieilles statues mutilées, de vieux tableaux criblés de trous. Le gentilhomme se mit à fouiller parmi ces tableaux. À mesure qu'il les dégageait de tous ces fatras, il les tendait à Monique qui les essuyait avec le revers de son tablier. « Le voilà !» s'écria soudain la petite. Elle avait reconnu les traits du vieillard, quoique la couleur fût un peu effacée. « C'est bien, » dit le maître de Kersaliou. « Descendons maintenant à mon cabinet. » Là, il ouvrit un gros livre dans lequel étaient inscrits tous les noms des membres de sa famille, et après l'avoir consulté, « Ma chère Monique, » prononça-t-il, « écoutez-moi. Le vieillard que vous avez rencontré sous le porche était le père doux de mon grand-père. Tatquin, trisaïeul, mot à mot, père doux. Voici plus de 300 ans qu'il est mort. Depuis 300 ans, il languissait, faute d'une messe, dans les flammes du purgatoire. Cette messe, il fallait qu'un pauvre la payât spontanément de ses maigres deniers. C'est ce que vous avez fait. Ainsi qu'en témoigne le billet que vous m'avez remis et qui est de l'écriture du défunt. Grâce à vous, mon ancêtre de la 6e génération a été sauvé. Il me charge de vous en récompenser d'une façon digne de lui et digne de vous. Désormais, vous ne servirez plus ailleurs qu'en ma maison. Je vous promets que vous y serez traité avec égard. Dites seulement si vous consentez à ce que je vous propose. La pauvre petite gardeuse de vache était si loin de s'attendre à une telle bonne fortune qu'elle resta comme clouée sur place, incapable de proférer une parole. Mais le maître de Kersaliou devina aisément que c'était le saisissement et la joie qui la rendaient muette. À partir de ce jour, elle vécut au manoir. Elle y trouva le bonheur, mais, comme disait Yvon Loirn de Guernotaire, pour l'écu de 6 livres, elle l'avait bien gagné. Conté par Marie-Louise Bellec, couturière, Port Blanc. J'ai recueilli plusieurs versions de cette légende et dans des régions très diverses. Comme elles sont beaucoup moins complètes que celles que j'ai rapportées, comme d'autre part elles ne renferment aucun détail nouveau, je n'ai pas cru devoir les transcrire. Il y en a tout un cycle, mais sans différence notable. Je veux cependant en résumer une qui permettra de juger de ce que sont toutes les autres. Elle m'a été contée à Quimper par une fille kéroise. Une jeune couturière des environs de Pinmar avait une grande dévotion pour la nain. Un soir, qu'elle rentrait de son travail à 1 heure tardive, elle entendit un remuement et comme des plaintes étouffées dans des broussailles qui bordaient le chemin. Elle demanda « Qui est là ?» Personne ne lui répondit. Elle en conclut qu'il y avait là une âme en peine qui avait besoin de secours. Le lendemain, elle se rendit de bon matin à l'église et recommanda une messe à l'intention de celle des âmes du purgatoire, à qui il ne manquerait plus qu'une messe pour être sauvée. Il fut fait selon son désir. Elle assista elle-même à l'office. Comme elle quittait l'église, elle rencontra dans le cimetière un jeune homme tout de blanc vêtu. Ce jeune homme l'accosta et lui dit « Vous êtes couturière de votre état, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Combien gagnez-vous par jour dans les maisons que vous fréquentez ?»« 12 sous. »« Eh bien, si vous voulez en gagner 30, allez à Audierne. » Vous verrez une maison blanche au coin de la place. Vous frapperez. Vous demanderez la dame de la maison et vous lui direz que vous venez de ma part. La jeune fille obéit. La dame de la maison la reçut d'abord assez mal. Je ne sais de qui vous voulez me parler. Je n'ai chargé personne de me chercher une couturière. La jeune fille, cependant, tenait les yeux obstinément fixés sur une broche de jais que la dame portait au cou et dans laquelle était encadrée une miniature. « Pardon, madame, » dit-elle au bout d'un instant, « vous avez au cou le portrait de la personne qui m'a envoyé ici. »« C'est impossible, ce portrait est celui de mon fils. Voici 10 ans qu'il est mort. »« C'est donc votre fils que j'ai rencontré. Je le jurerai par Jésus-Christ et par la Vierge. » La vieille dame se fit alors raconter l'aventure par le menu. La jeune fille ne sella rien, ni le bruit qu'elle avait ouï la veille dans les ajoncs, ni la messe qu'elle avait fait dire le matin même et au sortir de laquelle elle s'était croisée dans le cimetière avec le jeune homme vêtu de blanc. La vieille dame comprit qu'elle lui devait la délivrance de son fils. Elle la garda désormais près d'elle et, en mourant, lui laissa tout son bien. La fille au linceul. C'était aux environs de Morlaix, dans un endroit dont je ne sais plus le nom. Il y avait là une auberge tenue par un homme et sa femme. Comme domestique, il n'avait qu'une jeune servante, fille de joyeuse humeur, prompte à rire et à se moquer. Un soir, deux jeunes hommes de la contrée vinrent s'attabler à l'auberge. Ils invitèrent à boire avec eux l'hôtelier, sa femme et la servante. On causa d'abord comme entre gens de connaissance, puis quelqu'un proposa une partie de cartes qui fut acceptée. Quand on joue, le temps passe vite. Les deux jeunes gens furent désagréablement surpris d'entendre tout à coup sonner 11 heures. Ils avaient bien une lieue de chemin à faire pour rentrer chez eux, et mauvaise route. « Sapristi, dit l'un d'eux, nous allons nous trouver dehors à une heure peu chrétienne. Qu'en penses-tu, Jacques ?»« Oui, Fanche, répondit l'autre, il n'est pas bon de battre les sentiers à pareille heure. Pour ma part, je ne suis pas rassuré du tout. » « Eh bien, intervint l'aubergiste, pourquoi ne restez-vous pas couché ?» La servante de se récrier aussitôt, elle ne se souciait probablement pas d'avoir encore à dresser un lit avant de gagner le sien. « Je voudrais bien voir pareille chose, » dit-elle sur un ton de moquerie acerbe. « Comment, vous êtes à deux, vous êtes l'un et l'autre à la fleur de l'âge, vous avez la mine prospère, le poing robuste, et vous n'osez voyager de nuit. En vérité, vous avez eu jusqu'à ce jour la réputation d'être les plus fiers du pays à la lutte, mais je vois bien maintenant que vous n'en avez que la réputation. » « À la lutte, répartit Jacques, on se mesure avec des vivants, ceux-là je ne les crains pas. C'est donc des morts que vous avez peur? Vous nous la baillez belle, soyez tranquille, les morts sont bien où ils sont. Ce n'est pas eux qui viendront vous chercher chicane. » « Cela s'est vu plus d'une fois, dit Fanche. Oui, dans les histoires de commères. » « Ne parlez pas ainsi, Catique, prononça la cabaretière que l'incrédulité de sa servante scandalisait. « Vous nous porteriez malheur. »« Moi, reprit la jeune fille, grâce à Dieu, je n'ai pas de ces peurs stupides. Je marcherai dans un cimetière avec autant d'assurance que sur un grand chemin, et à toute heure de nuit aussi bien que de jour. » Les deux jeunes hommes s'exclamèrent d'une commune voix. « Cela se dit, mais quand il s'agit de le faire... » « Tout de suite, si vous voulez, riposta Catique, dont l'amour-propre était piqué. « Tenez, le cimetière n'est pas loin, puisqu'il n'y a que la route à traverser. Gageons que je fais 3 fois le tour de l'église en chantant et sans presser le pas. »« Malheureuse, dit la cabaretière, voulez-vous donc tenter l'encoût ?»« Non, je veux simplement montrer à ces deux imbéciles que moi, qui ne suis qu'une femme, j'ai plus de tempérament qu'eux. »« Nous tenons le pari, répondirent Jacques et Fanche, peu flattés de se voir traiter ainsi d'imbéciles. » Nous tenons le pari quoi qu'il advienne. Suivez-moi donc tous, vous resterez sur les marches de l'échalier du cimetière. De là, vous jugerez, et il n'y aura pas de tricherie possible. Pour moi, je ne sortirai point, dit la cabaretière. Ce que vous allez faire est contre la loi de Dieu. Son mari, lui, accompagna les deux jeunes hommes. Tous trois grimpèrent les marches de l'échalier qui menait au cimetière, et ils demeurèrent là, en dehors, tandis que Catique, la servante, franchissait l'échalier et s'acheminait vers l'église par l'allée de sable entre les tombes. Dans la nuit claire, la lune montait. Arrivée près de l'église, Catique se mit à en faire le tour en marchant du pas des gens dans une procession. On entendait sa voix, pure et fraîche, comme une eau de source qui chantait le joli cantique. « Ni au salut droit ne s'en aller, nous vous saluons, reine des anges. » Elle fit ainsi le tour de l'église une première fois, puis une seconde. L'aubergiste dit aux jeunes hommes, « Elle a désormais gagné son pari. Allons boire une chopine en attendant qu'elle revienne. » Ils rentrèrent à l'auberge. Catique, cependant, commençait le troisième tour. Comme elle passait devant le porche, elle vit la porte de front large ouverte. En ordal, elle s'ouvre d'ordinaire à la base du clocher et fait face au chœur. Elle glissa un coup d'œil dans l'intérieur de l'église. Le catafalque était au milieu de la nef, ainsi qu'au jour d'enterrement ou de messe funèbre, et sur le catafalque, un linceul était étendu. Alentour, les cierges brûlaient dans les grands chandeliers d'argent. Katik pensa aussitôt. Jacques et Fanch, dépités, ont imaginé de me faire peur. Ils ont allumé les cierges et jeté un drap blanc sur le catafalque. La voilà de prendre le drap, d'achever son tour et de revenir à l'auberge. « Tenez, dit-elle, je vous rapporte votre drap. Je ne suis pas aussi facile à épouvanter qu'un moineau. » L'aubergiste et les deux jeunes hommes se regardèrent entre eux, persuadés que Katik avait perdu la tête. « Oh, ne faites pas les étonner, reprit-elle. C'est vous qui avez jeté ce drap sur le catafalque, et c'est vous aussi qui avez allumé les cierges. On ne m'attrape pas avec de la glu. » « Katik, dit l'aubergiste, non seulement nous n'avons pas été à l'église, mais nous ne sommes même pas entrés au cimetière. « Vous verrez que ceci tournera mal, fit de son lit la maîtresse de la maison qui était allée se coucher. « Couchez-vous près de moi, Katik, et demain, si vous m'en croyez, vous vous rendrez au confessionnal. » L'aubergiste emmena les deux jeunes hommes dans sa chambre. Katik partagea le lit de sa maîtresse. Elles ne dormirent ni l'une ni l'autre. Chaque fois que Katik essayait de tirer les draps à elle, des mains invisibles la découvraient. Elle commençait à regretter son équipée. Elle attendait le jour avec impatience. Dès qu'il parut, elle se leva et courut à l'église. Le recteur était dans la sacristie, en train de revêtir son aube pour la première messe. « Monsieur le recteur, supplia-t-elle, veuillez me confesser sur le champ. » Le prêtre la fit agenouiller dans la sacristie même. Elle lui confia, sans omettre aucun détail, tous les événements de la nuit. « À quelle heure, ma fille ? » demanda-t-il. « Avez-vous remarqué que le porche était ouvert ? Il pouvait être minuit ou proche. Trouvez-vous donc au même lieu ce soir à minuit. Vous rapporterez le linceul et vous aurez soin de vous munir d'une aiguille et d'une pelote de gros fil. Vous étendrez le linceul sur le catafalque. « Je n'oserai jamais, monsieur le recteur. » « Il le faut, ma fille. Vous verrez un mort s'allonger sur le linceul. Oh ! Vous l'y envelopperez aussitôt et vous l'y coudrez. « Je n'oserai jamais, monsieur le recteur. J'aime mieux mourir. » « Ne dites pas cela, Katik. Si vous mouriez maintenant, vous seriez damné. Il ne fallait pas oser hier. Vous n'auriez pas à oser aujourd'hui. D'ailleurs, prenez courage. Vous ne serez pas seul. Je vous assisterai. »« Merci, monsieur le recteur. » « Vous tâcherez de coudre très vite, très vite. » Quand il ne vous restera plus que 3 ou 4 coutures à faire, vous direz assez haut pour que je vous entende. J'ai fini. N'oubliez pas cette recommandation, c'est essentiel. Je vous obéirai de point en point, monsieur le recteur. Un peu avant minuit, Katik était dans l'église. Comme la veille, le catafalque occupait le milieu de la nef, et dans les grands chandeliers d'argent, les cierges se consumaient. Mon Dieu, mon Dieu! Murmura la pauvre fille. « Donnez-moi force et courage !» Elle déplia le drap qu'elle rapportait et le disposa proprement sur le catafalque. Alors seulement, elle s'aperçut que ce drap était vieux, qu'il sentait le moisi et que des vers serpentaient en guise de fil dans la trame. Il ne fut pas plus tôt déployé que Katik vit venir un cadavre à demi pourri. Elle le vit se hisser jusqu'à la plateforme du catafalque et se coucher dans le linceul. Katik de relever les coins de la toile et de coudre. Le recteur était là, enfermé dans son confessionnal, qui attendait. Il demandait de temps en temps « Approchez-vous de la fin, Katik ?»« Pas encore, » répondait-elle. Tout à coup, elle s'écria « J'ai fini !»« Dieu vous fasse paix !» prononça le prêtre. Et il s'esquiva de l'église. Sur le seuil, il se retourna et dit « Maintenant, c'est à vous et aux morts de vous expliquer seul à seul. » Il est dans l'ordre que le jour se lève, même sur les pires choses. Lorsque le lendemain matin, le bedeau vint sonner l'Angélus, il trouva le catafalque au milieu de la nef, quoiqu'il fût certain de l'avoir rangé la veille dans un des bas-côtés. Alentour gisaient épars les membres en lambeaux d'un pauvre jeune corps. Les dalles étaient maculées de sang. Il en avait jailli des éclaboussures jusque sur les chapiteaux des piliers. Le bedeau courut au presbytère. Il conta au recteur ce qu'il venait de voir. « Dieu soit loué !» dit le prêtre. « Allez annoncer à ses patrons que Katik est morte. Mais en même temps, Affirmez-leur de ma part qu'elle est sauvée. » Conté par Marie-Louise Bellec, Port-Blanc. Les revenants sanguinaires sont rares en Bretagne. On les trouve, au contraire, fréquemment dans les légendes irlandaises. Une femme tue son mari et essaie de tuer son fils. Contes irlandais. Une autre revient dévorer son mari. Curtin. La nuit, les revenants rôdent autour des maisons. Une personne qui avait entrebâillé sa porte pour regarder dehors à la main saisie par un fantôme. Un chien lâché au dehors rentre longtemps après, couvert de sang et avec une marque mystérieuse au cou. Dini. Un homme doit se battre pendant 3 nuits de suite avec 3 sœurs fantômes et ne réussit à les maîtriser qu'en se servant des chaînes d'une charrue. Curtin. Les revenants errent sur les routes désertes et battent et tuent tous ceux qu'ils rencontrent. Curtin. Une jeune fille qui avait eu l'imprudence d'entrer dans un cimetière à la nuit est appelée par un mort qui l'oblige à le retirer de sa tombe et à le prendre sur son dos. Elle doit le porter dans une maison où il n'y a ni eau propre ni eau bénite. Il y égorge les 3 jeunes fils de la maison et de leur sang mêlé à de la farine d'avoine compose une bouillie qu'il mange en forçant la jeune fille à en prendre sa part. Mais celle-ci a la précaution de ne rien manger et de mettre sa part dans un mouchoir. Elle reporte le mort à sa tombe au moment où le coq chante. Si elle l'avait reposé dans la fosse avant le chant du coq, elle serait restée à jamais enterrée avec lui. De retour à la maison où le mort s'était fait porter, elle met la bouillie sanglante dans la bouche des jeunes garçons et ceux-ci ressuscitent. Curtin. On trouve dans le Morbihan des revenants qui aiment à lutter avec les passants, mais sans leur faire grand mal. Le Rouzic. Voir aussi Luzel, Fanticloro, légende chrétienne. Aussi dans Fouquet, légende, contes et chansons populaires du Morbihan, un conte intitulé Alice de Kinipili. Émile Souvestre a donné dans sa première édition des Derniers Bretons une légende analogue, le drap mortuaire, qui a disparu dans les éditions suivantes. Non seulement il ne faut pas dérober le linceul des morts, mais il faut encore que le linceul soit entier. Si l'on enlève un morceau du linceul, le mort revient le demander. Communication de M. Lott, Guéméné sur Scorff. Voir le Rouzic, Carnac, Luzel, le linceul des morts. En Écosse, au contraire, on coupe une partie du linceul que l'on conserve à côté d'une mèche de cheveux du défunt. La coiffe de la morte. Je ne saurais vous dire au juste combien il y a de temps de ceci. Toujours est-il que Louis, fils de mon oncle Jean, s'était engagé à fournir quelques 1000 de paille à un hôtelier de Pontrieux. Cette paille, il l'avait lui-même achetée au manoir du Guern en Cervelle. Il s'entendit avec les jeunes gens du manoir pour faire le charroi qui se composa de 4 charrettes. La route est longue de Cervelle à Pontrieux, mais les auberges sont nombreuses. Partant, les étapes sont courtes. Nos convoyeurs de paille ne manquèrent pas de chopiner gaiement. Tous jeunes, ils avaient bonne tête et le gosier large. À Pontrieux, livraison faite, on acheva la noce. Et si, au retour, les charrettes étaient vides, les conducteurs, en revanche, étaient quelque peu pleins. Tant que dura le jour, ils dirent des folies et chantèrent des chansons. La nuit venant, ils se turent, cheminant silencieusement à côté de leurs bêtes. Mais vous savez qu'il n'est pire ivresse que celle qui couve en dedans. Comme nos gens traversaient le bourg de Pomérite, passé la 11e heure, mon cousin Louis s'écria. Damné serais-je. Les filles de Pomérite avaient jadis la réputation d'être de fines danseuses de nuit. Est-ce qu'elles se coucheraient maintenant avec les poules? Gars, tu en as menti, répartit le fils aîné du Guern. Car en voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui danse, ma foi, fort gentiment au clair de lune. » Il montrait du doigt dans l'enclos du cimetière qui surplombait la route des formes noires qui semblaient en effet onduler doucement comme des bretonnes en danse. « Hé !» lui dit un de ses frères, « ce que tu prends pour des danseuses, ce sont les croix des tombes. Tu ne les vois bouger que parce que tu titubes. À moins que ce ne soient des touffes de cyprès qui se balancent sur des sépultures de nobles, » dit un autre. « C'est ce que nous allons savoir !» hurla le fils aîné du Guern en se précipitant sur les marches de l'échalier qui l'enjamba d'un bond. Quand il reparut un instant après, il froissait une coiffe blanche dans la main. « Qu'est-ce qui avait raison » clama-t-il. Seulement voilà, l'occasion est perdue, les jolis oiseaux de nuit se sont envolés. » Se disant, il fourrait la coiffe dans sa poche. Tout le long de la route, ensuite, on l'entendit qui se répétait à lui-même. « Petite coiffe de toile fine, qu'il était donc gracieux, le visage que tu encadrais. La jolie fille, en vérité, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle vienne te réclamer au Gouern. » Quand les bêtes furent dételées et les charrettes calées dans la cour du manoir, le premier soin de chacun fut de s'en aller coucher. On était abruti de boissons et harassé de fatigue. Le fils aîné lui-même dormait debout. Cependant, il ne gagna son lit qu'après avoir religieusement plié la coiffe dans un coin de son armoire. Au réveil, ce fut encore à elle qu'il pensa tout d'abord. En faisant tourner la clé dans l'armoire, il disait, reprenant son refrain de la veille, « Petite coiffe de toile fine, qu'il était donc gracieux le visage que tu encadrais. » Mais le battant ne fut pas plutôt ouvert qu'il poussa un cri de stupeur, d'angoisse, d'épouvante, à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Tout ce qui était dans le logis accoururent. À la place de la blanche coiffe en toile fine, il y avait une tête de mort, et sur la tête il restait des cheveux, de longs et souples cheveux qui prouvaient que c'était la tête d'une fille. Le fils aîné était si pâle qu'il en paraissait vert. Tout à coup, il dit avec colère, tout en faisant mine de rire, « Ça, c'est un vilain tour que quelqu'un a voulu me jouer. Au diable, cette hure !» Déjà, il avançait la main pour saisir la tête et la lancer au dehors. Mais à ce moment, les mâchoires s'entr'ouvrirent hideusement, et l'on entendit une voix qui ricanait. « J'ai fait selon ton désir, jeune homme. Je suis venu au Gouern te réclamer ma coiffe. Ce n'est pas ma faute si tu as changé d'avis depuis hier. » « Je vous promets que le fils aîné du Gouern ne riait plus et que la colère lui avait passé comme s'abat un coup de vent quand la pluie crève. Sa mère, qui se tenait derrière lui, le prit par la manche de sa veste. « Joson, murmura-t-elle, tu t'es comporté comme un fripon. Tu vas, s'il te plaît, te rendre incontinent au presbytère. Il n'y a que le vieux recteur qui puisse arranger tout ceci. » Le jeune homme ne se le fit pas dire deux fois. Il n'était que trop pressé de sortir de ce mauvais pas. Une demi-heure après, il amenait le recteur. Le digne prêtre esquissa quelques signes de croix, marmonna quelques paroles latines, puis prenant la tête de mort, il la mit entre les mains du jeune homme. « Tu vas, commanda-t-il, la rapporter au charnier de Pommerite d'où elle est venue. Tu l'y déposeras au coup de minuit. » « Seulement, tu auras soin de te faire accompagner d'un enfant non baptisé encore. » Gaud Kérodren du hameau voisin est précisément accouché la nuit dernière. Rends-toi d'abord chez elle et prie-la de ma part qu'elle te confie son nouveau-né. Dieu te donne la grâce de réparer ta faute. » Le soir du même jour, Joson du Gouern repartait pour Pommerite. Une tête de mort dans une main, un nouveau-né sur l'autre bras. Par exemple, il ne fredonnait plus « petite coiffe de toile fine ». Comme on dit, il n'en menait pas large. Il marchait vite néanmoins, et à minuit sonnant, il réintégrait la tête de mort dans le charnier d'où elle était venue. Sur son bras, le tout petit enfant gémissait à cause de la fraîcheur, bien qu'il s'efforçât de le bien abriter avec le pan de sa veste. « Ah !» crièrent en cœur tous les ossements du charnier. « Tu as eu une fière idée de te faire accompagner de cet enfant, sinon que nous n'avons pas le droit de le priver du baptême. Tes os et les siens, Joson du Gouern, seraient déjà dispersés parmi les nôtres. » Le lendemain, le jeune homme assista en qualité de parrain le nouveau-né de Gaud Kérodren sur les fonts baptismaux de Cervelle. Mais rentré chez lui, il ne fit que dépérir. La mort l'avait regardé de trop près. Il ne passa pas l'année. Compté par Pierre-Simon Pinvenant, 1889. Dans un conte irlandais, un homme revenant d'un enterrement trouve un crâne. Il le ramasse et le reporte dans le cimetière. Sur la route, il rencontre un mort qui lui apprend que c'est sa tête qu'il a trouvée et que s'il l'avait gardée, il lui serait arrivé malheur. Dans une légende bretonne, un homme qui avait enlevé dans le cimetière une tête de mort et qui l'avait emportée chez lui est bientôt obligé de la reporter à l'endroit où il l'avait prise. La tête ne cessait de crier et ne lui laissait aucun repos. Au milieu des tombes, il est assailli par des esprits invisibles qui le battent rudement. Sur les pouvoirs mystérieux des enfants non baptisés qui ont passé en terre bénite, voir chapitre 1, page 3. Dans une histoire de lavandière de nuit racontée par Sauvé, la femme à qui une des lavandières demande de l'aider lui répond qu'elle a les bras engourdis et qu'elle vient d'un baptême. Alors la lavandière lui dit que si elle n'avait pas porté à l'église un innocent, ce qui lui enlevait tout pouvoir sur elle, elle l'aurait si bien tordu, détordu, retordu, que jamais des brouilleurs des chevaux n'auraient été capables de débrouiller ce que j'aurais fait de toi. Dans ces traits essentiels, l'histoire est vraie. C'est une histoire d'ivrogne. Un garçon pris de boisson rapporta chez lui une tête de mort qu'il avait enlevée d'un charnier. Dégrisé, il fut saisi de terreur et demanda conseil au recteur qui lui indiqua, pour se tirer d'affaire, le moyen que rapporte la légende. La chose s'est passée vers 1860, mais il convient d'ajouter que c'est là un thème légendaire fort répandu en Bretagne. J'ai recueilli des récits analogues à Élian, d'autres à Plougastel. Les événements réels ne servent jamais que d'occasion à l'apparition de légendes déjà toutes prêtes à éclore. La partie du cimetière réservée aux suicidés, aux protestants et aux enfants morts sans baptême s'appelle le cimetière noir, Arveret du, ou encore le cimetière non baptisé, Arveret d'Isvadé. En Écosse, il y a de nombreuses croyances relatives aux suicidés. On dit en Écosse que le corps d'un suicidé ne s'enfonce pas dans l'eau. Le suicidé est enterré à part et chaque passant jette une pierre sur sa tombe. Rien ne pousse sur une telle tombe. Si une femme enceinte marchait dessus, l'enfant qu'elle porte mourrait. La tombe d'un suicidé doit être située hors de la vue de la mer et de la terre cultivée. Si elle était en vue de la mer, on ne pourrait attraper aucun hareng. On ne sort pas le corps d'un suicidé d'une maison par la porte, mais on le fait passer par un trou pratiqué entre le mur et le chaume. Boire dans le crâne d'un suicidé est un remède pour l'épilepsie. Le linceul de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne et Larry vivaient seules depuis de longues années dans une petite maison au bord de la Grève. Elle passait le temps à filer sur le pas de sa porte. Elle n'avait pas de plus chère jouissance que de voir du beau linge filé par elle et tissé par le tisserand du bourg s'empiler sur les planches de son armoire. Un soir, elle tomba malade, se coucha et ne se releva plus. Comme voisin, elle n'avait que les Rojoux, dont la ferme était située à un quart de lieue de là dans les terres. La pauvre vieille dut mourir seule comme elle avait vécu. Le lendemain, le fermier Gonéry Rojoux, étant allé prendre du goémon à la Grève, s'étonna de voir fermer la porte de Marie-Jeanne. « Elle sera peut-être partie en pèlerinage, » pensa-t-il. Il dit la chose à sa femme en rentrant. 2 jours se passèrent. Le 3e jour, la femme Rojoux dit à son homme « Je vais faire un tour du côté de chez Marie-Jeanne pour voir si elle est revenue. » Quand elle arriva à la maison de la vieille, elle trouva la porte encore fermée. L'idée lui vint de regarder par la fenêtre. Elle vit alors une chose bien triste. La moitié du corps de Marie-Jeanne et Larry pendait hors du lit et sa tête reposait sur le banc tossel. La femme Rojoux courut d'une haleine à la ferme. « Prends un levier, » dit-elle tout essoufflée à son homme, « et suis-moi. » Le levier servit à jeter la porte dans la maison. L'odeur de la morte infectait. Sa chair tombait déjà en pourriture. Rojoux et sa femme l'attirèrent cependant du lit et l'étendirent sur la table. « Nous allons toujours l'ensevelir, » dit l'homme. « Vois donc si tu ne trouveras pas dans l'armoire quelques pièces de toile propre, car les draps du lit sont sales et presque en lambeaux. » La femme Rojoux n'eut pas plutôt ouvert l'armoire qu'elle demeura émerveillée comme en extase. L'armoire était comble de linge tout neuf, qui sentait bon la lavande et qui était blanc comme la neige et fin au toucher comme la soie. « Oh, la belle armoirée !» s'écria la femme Rojoux. Et le malin esprit lui souffla aussitôt une vilenie. « Vous n'êtes pas sans savoir combien les ménagères aiment le beau linge et comme elles s'enorgueillissent à chaque lessive de l'entendre claquer au vent sur l'herbe des prés, puis de le voir se disposer en haute pile sur les étagères dans les armoires de chêne. Le rêve de la femme Rojou avait toujours été de pouvoir, comme la vieille Marie-Jeanne, passer ses journées affilées de fin lin qu'elle verrait ensuite se transformer en fine toile. Mais la pauvre n'avait hélas que trop à faire dans son ménage autour de son homme, de ses 4 enfants et des bêtes qu'il faut soigner à l'instar des gens. Depuis 12 ans qu'elle était mariée, son rouet chaud met dans un coin de la cuisine, et en fait de toile, il n'y avait guère chez elle que de la toile d'araignée. Donc le malin esprit lui disait « Femme Rojou, tu es seule avec ton mari dans la maison de la défunte. Personne encore dans la contrée ne sait que la vieille a trépassé. Personne non plus ne sait au juste ce que renferme son armoire. Nul ne sera surpris qu'on l'ait trouvée vide. Pas un héritier ne réclamera, puisque Marie-Jeanne et Larry vivaient solitaires et racontaient elle-même qu'elle avait perdu toute sa parenté. Ce qu'elle laisse s'en ira à volo. Deviendra la proie de l'État, du gouvernement, qui est à lui seul plus riche que tout le monde et qui n'a jamais fait quoi que ce soit pour Marie-Jeanne et Larry. Toi, au contraire, tu t'es toujours montré serviable envers elle. Tu vas tout à l'heure t'occuper de lui rendre les derniers devoirs. N'est-il pas juste que tu prennes ta part de ce qu'il y a dans la maison et dont elle n'a désormais que faire ? Ainsi parla le diable, le tentateur éternel. Lénan Rojou était une honnête femme, mais elle était la fille de sa mère, et sa mère était la fille d'Ève. Elle écouta les propos du démon. « Oh, oh, gonnerie, dit-elle, ce n'est pas les linceuls qui manquent. Il y a ici de quoi ensevelir 100 cadavres, regarde plutôt !» Comme sa femme, gonnerie Rojou s'extasia. « Si tu voulais, reprit celle-ci, nous aurions à nous tout ce linge, sauf ce qu'il en ait besoin pour faire un drap de mort à la vieille Marie-Jeanne. » « Après tout, observa Rojou, pourquoi d'autres et non pas nous ? Il y a là de quoi faire 6 douzaines de beaux draps de lit, autant de nappes pour envelopper le pain, et au moins 80 chemises d'hommes, de femmes et d'enfants, ne le crois-tu pas, Gonéry ? Si, ma foi. Écoute, tu vas rester ici, garder la vieille. Moi, je vais déloger les pièces de toile et les transporter chez nous. Cela ne sera ni vu ni entendu. Je t'en laisserai seulement une dans laquelle... Pendant que je ferai ma tournée, tu tailleras le linceul. » Et gonnerie Rojou de partir, chargé comme un âne. Encore ne sentait-il pas le poids de son péché, qui aurait dû peser à ses épaules plus que tout le reste. Au bout d'une demi-heure, il était de retour. Le cadavre de Marie-Jeanne et Larry attendait toujours son linceul. Lénan Rojou, à genoux sur une pièce de toile déployée à terre, tenait une paire de ciseaux dans sa main droite, mais ne se décidait pas à en faire usage. « Damen !» s'écria Gonéry dès le seuil. « Il ne semble pas que tu aies beaucoup avancé la besogne. »« Aussi bien, » répondit Lénan, « ce serait grand dommage d'entamer une toile si blanche pour un pauvre corps qui tombe en pourriture. Ne penses-tu pas que la vieille Marie-Jeanne aimerait autant dormir une fois morte dans les draps où elle couchait de son vivant ?» « Tu as peut-être raison, » dit Rojou qui, comme beaucoup de maris, occupés aux durs travaux des champs, laissait à sa femme le soin de penser pour elle et pour lui. Il fut entendu qu'on n'entamerait pas la pièce de toile neuve et qu'on ensevelirait la vieille dans ses vieux draps, ce qui fut fait. Le soir même, le glas tinta pour le décès à l'église du bourg. Un menuisier apporta le cercueil. Marie-Jeanne et Larry y furent couchés à demi nus et en grande hâte, car elle puait à force. Gonéry Rojou s'était chargé de tous les frais d'enterrement et de sépulture. Dans tout le pays, on loua sa générosité. Le dimanche d'après, monsieur le recteur le prôna en chaire, lui et sa femme, en les recommandant tous deux en exemple à l'assistance, comme de parfaits enfants de Jésus-Christ. Ils ne se montrèrent nullement vains de ses éloges, de quoi on leur sut encore plus de gré. Au fond, ils n'avaient pas la conscience tranquille. Lénan, elle, se consolait assez facilement de ses remords. Il lui suffisait de contempler la belle ordonnance que présentait dans son armoire, naguère si vide, le linge de Marie-Jeanne et Larry. Mais de gonnerie Rojou, il n'en était pas de même. Le pauvre cher homme n'avait plus de goût au travail, mangeait du bout des dents et ne pouvait dormir que d'un œil. Une nuit qu'il somnolait ainsi, il se dressa tout à coup sur son séant. On cognait à la porte. Qui est là ? Demanda-t-il. Pas de réponse. Il pensa que c'était quelque ivrogne attardé, quoiqu'il n'y eût pas grand passage par l'air de sa métairie. Qui est là ? Répéta-t-il une seconde fois, puis une troisième. Toujours pas de réponse. Damné sois-je ! S'écria-t-il d'un ton d'autant plus furieux qu'il avait l'esprit plus malade. Je m'en vais tout à l'heure vous faire confesser votre nom, que vous veniez de la part de Dieu ou de la part du diable. Il fit mine de se lever, mais il n'eut pas plutôt la tête hors du lit qu'il sentit ses cheveux se hérisser d'épouvante. La porte du logis était grande ouverte. Il était cependant bien sûr d'en avoir solidement poussé le verrou avant de se coucher. Ce n'était rien encore. La nappe qui enveloppait le pain sur la table de la cuisine se déployait. On eût dit un drap repoussé peu à peu par les pieds d'un dormeur qui a trop chaud. Puis sur la nappe se dessina la forme rigide d'un cadavre. La tourte de pain à peine entamée servait d'oreiller à la tête. Cette tête, Gonéry Rojou la vit se soulever lentement. Il referma les yeux bien décidé à ne rien voir de plus, mais il oublia de se boucher les oreilles. Il ne put s'empêcher d'entendre un petit pas menu de vieille qui trottinait à travers la maison. Puis ce fut le bruit que font en s'écartant les battants mal graissés d'une armoire. Puis ce fut une voix cassée, chevrotante, qui ricanait, en imitant par moquerie l'exclamation jaillie naguère des lèvres de l'aînant devant le linge de Marie-Jeanne et Larry. « Oh, la belle armoirée ! La belle armoirée !» Gonéry Rojou entr'ouvrit les paupières. Il éprouvait un besoin de voir qui était plus fort que sa volonté d'homme. L'oblique clair de lune entrant par le cadre de la porte découpait sur le sol de terre battue un carré de lumière blanche, tout pareil à une toile étendue en long et en large. À l'une des extrémités était agenouillée une vieille femme. Elle tenait une paire de ciseaux dans sa main droite. Gonéry la reconnut à son profil. C'était Marie-Jeanne, la morte. « C'est pourtant dommage, » disait-elle, continuant d'imiter le ton de l'aînant. « C'est pourtant dommage d'entamer une toile si blanche pour un pauvre corps qui tombe en pourriture. La vieille Marie-Jeanne aimerait autant, une fois morte, dormir dans les draps où elle couchait de son vivant. » Gonéry Rojou sentit une sueur froide ruisseler le long de ses membres. La vieille fit une pause, puis reprit. « Eh bien non, non, non !» Je veux être ensevelie dans le lin que j'ai filé. Par trois fois, elle répéta avec insistance. Il me faut mon linceul. Il me faut mon linceul. Il me faut mon linceul. Là-dessus, elle disparut. Par amitié pour sa femme, Gonéry Rojou ne l'avait point réveillée. À l'aube, elle se réveilla d'elle-même. Gonéry lui dit alors. Femme, sais-tu quel est le premier travail que tu vas faire à ton lever ? « Oui, mon homme, je vais piler de la jonvère pour les bêtes, puis je débarbouillerai les enfants. »« Non, » dit Gonéry, « tu te mettras sur ton 31. »« Warda begement, » dit l'expression bretonne, c'est-à-dire sur ton combien au sens exclamatif. « Tu tâcheras d'être à l'église au moment où monsieur le recteur reçoit ta confesse et tu lui avoueras en confession notre faute. »« Y penses-tu, Gonéry ? Et de quoi donc te mêles-tu, s'il te plaît ?» « Ce n'est pas tout, » poursuivit l'homme, « je marcherai sur tes pas, en portant sur mes épaules le linge volé qui est là, dans l'armoire. N'oublie pas de demander au recteur quel usage nous en devrons faire. »« Quel usage ? Quel usage ?» répartit la femme en colère. « Si quelqu'un doit le savoir, c'est moi et non le recteur. Ne t'inquiète donc pas de ce linge. » »« J'ai mes raisons pour m'en inquiéter, » dit Gonéry. « Il y va de ta paix et de la mienne en ce monde et dans l'autre. » Il raconta à sa femme sa vision de la nuit. L'aînant dès lors ne fit plus d'objection. Elle disposa elle-même le fait de linge sur les épaules de son mari et le précéda au bourg. Arrivée à l'église, elle se blottit dans le confessionnal du recteur pendant que Gonéry l'attendait avec sa charge près des fonts baptismaux. Le recteur dit à l'aînant, quand elle lui eut tout avoué, « Revenez cette nuit, ma fille, accompagnée de votre homme. » Quant au linge, vous le déposerez à la sacristie où je l'exorciserai. J'espère en avoir fait sortir avant ce soir l'âme funeste qui est en lui et qui n'est autre que votre péché à tous deux. » Lénan et Gonéris en retournèrent à la ferme, mais le soir de ce jour les retrouva en prière dans l'église avec le recteur. Quand sonna l'heure de minuit, celui-ci fit signe à Lénan. « Voici l'heure, dit-il, prenez dans la sacristie les pièces de toile. Ne vous étonnez point de les sentir aussi légères que plumes, et allez les étendre une à une sur la tombe encore fraîche de Marie-Jeanne. Ayez surtout bien soin d'attendre qu'une ait disparu avant de déplier l'autre. Nous prierons ici pendant ce temps votre mari et moi. Quand tout sera fini, vous viendrez nous rendre compte et vous nous direz ce que vous aurez vu. » Lénan Rojoux n'était pas fier en s'en allant à l'heure de minuit accomplir cette restitution dans le cimetière de la paroisse. Gonéry Rojoux non plus n'était pas fier dans le cœur de l'église où il priait côte à côte avec le recteur pour le retour heureux de sa femme. Il fut soulagé d'un grand poids en la voyant reparaître par la porte de la sacristie saine et sauve. Elle tremblait pourtant de tous ses membres. « Eh bien, Lénan, demanda le recteur. « Oh, répondit-elle, j'ai vu des choses que nul autre ne verra. « Expliquez-vous, Lénan. « D'abord, monsieur le recteur, j'ai déplié une première pièce de toile sur la tombe. Un vent s'est élevé aussitôt, et la pièce de toile s'est envolée en gémissant. J'en ai déplié une seconde, le même vent s'est élevé de nouveau, et la seconde pièce de toile s'est envolée comme la première, mais sans gémir. » J'en ai déplié une troisième, celle-ci a fait un bruissement léger comme l'haleine du printemps à travers les feuilles nouvelles, puis elle s'est gonflée comme une voile et s'en est allée au loin par le chemin de Saint-Jacques, tout au fond du ciel. La terre de la tombe alors s'est crevassée. J'ai vu Marie-Jeanne et Larry allongées toutes nues dans le creux noir de la fosse. J'ai déplié la quatrième pièce de toile. Au lieu de s'envoler, celle-ci s'est engouffrée en terre et la morte s'est roulée dedans en faisant « brr, brr » comme quelqu'un qui a très froid. Restait la cinquième et dernière pièce. J'allais la déplier et l'étendre lorsque quatre anges descendus du paradis me l'ont arraché des mains. J'ai entendu une voix mélodieuse qui disait « Vous êtes pardonné » et c'est tout. « C'est assez, » prononça le recteur. « Ton mari et toi, Lénan Rojoux, vous pouvez aller en paix. Souvenez-vous seulement que s'il est mauvais de voler les vivants, il est odieux de voler les morts. Quant à Marie-Jeanne et Larry, soyez certain qu'elle ne vous tourmentera plus. » « Conté par Baptiste Geoffroy, dit Javré, Pinvénan, 1896. » La voix de Saint-Jacques, la voix lactée. Dans un conte publié par Luzel, Le linceul des morts, revue celtique, une morte est condamnée en punition de ses fautes à rester chaque nuit pendant 3 heures, nue dans la terre, jusqu'à ce qu'un vivant ait le courage de lui présenter son linceul. Une femme avait pris un drap auprès d'une tombe et s'en était servie pour faire du linge à sa petite fille. Elle entend une nuit dans sa maison une voix qui criait « Rends-moi mon drap blanc ou je te brûle !» Elle reporte le linceul au cimetière, emmenant avec elle son enfant âgé de 2 ans. Cette précaution la sauva. « Vous avez bien fait d'amener avec vous ce petit ange, » dit une voix, « car sans cela, je vous aurais tué. » Paul Sébillot, Contes et légendes du pays de Guarec, revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. La bague du capitaine. Il y a quelques 50 ans, un navire étranger fit naufrage sur la côte de Bugueles en Pinvénan. On recueillit une 10aine de cadavres. Comme on ignorait s'ils étaient chrétiens, on les enterra dans le sable, à l'endroit où on les avait trouvés. Parmi eux était le corps d'un grand et beau jeune homme, plus richement vêtu que ses compagnons, et que, pour cette raison, on jugea être le capitaine. À l'annulaire de la main gauche, il portait une grosse bague en or sur laquelle étaient gravées des lettres d'une écriture inconnue. Bugueles est habité par une population d'honnêtes gens. On enterra, ou plutôt on ensabla le beau jeune homme sans le dépouiller de sa bague. Des années se passèrent. Le souvenir du naufrage s'était peu à peu effacé. Cependant, à la veillée, quelquefois, En attendant le retour des hommes partis en mer, les femmes devisaient encore de celui qu'elles appelaient le capitaine étranger et de la grosse alliance en or pur qu'il portait au doigt. La première fois que Mona Parentouenne, une jeune couturière des environs, entendit raconter cette histoire, elle ne fit que rêver toute la nuit de cette alliance qu'on disait si belle. Le lendemain, elle y songea encore, et le surlendemain et tous les jours suivants. Cela devint chez elle une hantise. Elle était passablement coquette, comme le sont toutes les jeunes couturières, et elle se disait qu'un bijou est fait pour briller à la lumière du soleil béni, non pour s'encrasser dans les ténèbres de la tombe. Longtemps néanmoins, je dois l'avouer, elle repoussa la tentation. Mais son métier même l'y exposait sans cesse. Quand elle cousait dans les maisons de Bugueles, ce qui advenait presque journellement, elle était obligée de s'installer sur la table près de la fenêtre, et toutes les fenêtres de ce pays regardent du côté de la grève. À la fin, la malheureuse n'y tint plus. Un soir, sa journée close, elle fit mine de retourner chez elle, puis, quand elle fut bien sûre de n'être pas vue, elle descendit à pas de loup vers la plage. Le lieu de la sépulture des noyés était marqué par une croix grossière, faite de bois badigeonné de goudron, qu'on avait eu soin de planter juste au-dessus du cadavre du beau capitaine. À tout seigneur, tout honneur. Nuit pleine et tous les pêcheurs rentrés, Mona Parentouenne n'avait pas à craindre d'être dérangée. Elle s'agenouilla, se mit à gratter le sable avec ses ongles, furieusement. Bientôt, elle parvint à tirer à elle une des mains du cadavre, la gauche. L'anneau y était toujours. Elle tenta de le faire glisser sur le doigt, mais la peau racornie formait de gros bourrelets. Elle essaya de ses ciseaux, peine perdue. Les ciseaux ne mordaient pas dans ce cuir tanné par l'eau de la mer. Alors, exaspérée, elle saisit le doigt entre ses dents et le trancha d'un coup. Puis, l'ayant recraché dans la fosse, elle y fit de même rentrer la main, nivela le sable, épousseta son tablier en se relevant et s'enfuit en portant la bague. Le lendemain, elle vint à son ouvrage comme à l'ordinaire. Seulement, elle avait la tête enveloppée d'un fichu de laine par-dessus sa coiffe et elle était toute pâle. « Qu'avez-vous donc, Mona ?» lui demanda la ménagère. « Oh, rien, » fit-elle. « Un peu mal aux dents, cela va passer. » Et elle entama sa couture. Mais au lieu de passer, le mal ne fit que croître, au point de forcer Mona Parentouenne à quitter son travail. Elle s'en alla en gémissant. Elle disparaissait à peine au tournant du sentier qu'il s'éleva un grand tumulte dans le village. Des gamins qui jouaient dans la grève étaient subitement remontés, criant à tue-tête. « Venez voir, venez voir !»« Quoi ? Ce qu'il y a au cimetière des noyés ?» Tout Bugueles, hommes et femmes, descendit derrière eux jusqu'à la mer. Quand on fut arrivé à l'endroit, voici ce qu'on vit. Au pied de la croix goudronnée, une manche de veste sortait du sable, et de la manche sortait une main. Et les doigts de cette main étaient affreusement crispés, sauf un, l'annulaire, qui se dressait rigide et menaçant. On eût dit qu'il désignait avec colère quelqu'un tout là-haut, dans les landes maigres qui dominent les petites maisons éparses des pêcheurs. À sa base, il portait une entaille profonde. Une des femmes qui était là parla ainsi. « C'est le doigt de la bague, on la lui a volée et il la réclame. »« Réenfouissons toujours cette main, » répondit un des hommes, et il la recouvrit de sable. L'assistance se dispersa en échangeant mille commentaires. Quand ceux qui étaient partis en mer rentrèrent le soir, on leur conta la chose. Ils furent de l'avis commun. Cela sentait le sacrilège. On s'endormit fort tard dans les chaumières, et l'on dormit mal. Au petit jour, les plus impatients coururent au cimetière des noyés. De nouveau, le doigt fatal se dressait sur le sable lisse. « Voyons voir jusqu'au bout, » dirent-ils, et ils réenfouirent le doigt, la main, toutes comme on avait fait la veille. Puis ils allèrent requérir çà et là d'énormes galets et des quartiers de roches qu'ils entassèrent par-dessus. Oui, mais 2 heures plus tard, le doigt reparaissait. Les pierres semblaient s'être écartées d'elles-mêmes respectueusement et formaient cercle à distance. Alors on eut recours à d'autres moyens. Le recteur de Pinvénan, accompagné d'un chantre et d'un enfant de cœur, vint conjurer le mort en l'aspergeant d'eau bénite. Mais le beau capitaine n'était probablement pas chrétien, car il ne se laissa pas conjurer. « Il redemande son alliance, » répéta la femme qui avait parlé la première fois. Maintenant, chacun pensait comme elle. Mais où la trouver, cette alliance? Où la trouver pour la rendre? L'enfant de cœur, agenouillé dans le sable, dit « Ce doigt-là a été ressoudé par la puissance de Dieu ou du diable après avoir été coupé avec des dents, et certes, ces dents-là étaient aiguisées et fines. » Il n'avait pas achevé que par la route goémoneuse qui mène de la mer aux maisons de Bugueles apparaissait Mona par Antoine, la couturière. Du moins, les ménagères la reconnurent à sa robe de double chaîne et à l'élégance fraîche de son tablier. Car de son visage, on ne voyait rien, tellement il était entortillé de linge et de châle. Sur son corps si souple, elle avait l'air de porter une tête monstrueuse. Elle avançait lentement, exhalant une plainte sourde à chaque pas qu'elle faisait. Lorsqu'elle fut arrivée au groupe, elle pria du geste qu'on la laissât passer. Entre le pouce et l'index, elle tenait une grosse bague d'or. Vous devinez le reste. Les hommes voulurent refaire un mauvais parti à Mona par Antoine, mais elle écarta les linges qui couvraient sa figure et leur montra sa bouche vide de dents, pleine de pus. On se contenta de la fuir comme une pestiférée. Je l'ai rencontrée plus d'une fois, vaguant par les chemins, la tête toujours enveloppée de haillons. Elle ne pouvait plus parler, mais elle geignait lugubrement. Quant au capitaine étranger, depuis lors il repose en paix, sa belle alliance d'or au doigt, et rêvant, j'imagine, de la douce qui la lui avait donnée. Conté par Françoise Thomas, journalière, Pinvénan, 1881. La main sanglante. Un pêcheur de Goulien dans le cap Sizun trouva un jour en mer le cadavre d'une noyée. Comme il l'amarrait derrière sa barque pour la remorquer à terre, il s'aperçut qu'elle portait au doigt une belle bague d'or. Le malin esprit lui souffla l'idée de s'emparer de cette bague. Il était seul à bord de son bateau et par conséquent assuré de n'être vu de personne. Il saisit donc le bras de la morte, mais la chair du doigt avait gonflé, impossible d'en faire glisser l'anneau. Alors le pêcheur tira de sa poche son couteau de marin à lame forte et tranchante et, pour avoir le bijou, trancha le doigt de la noyée. Aussitôt, chose étrange, la blessure se mit à saigner comme si le cadavre était encore vivant. Et le sang coulait en telle abondance que tout le sillage de la barque au loin en était rouge. Arrivé à terre, le pêcheur s'empressa d'enfouir le cadavre dans le sable de la grève, sans prévenir ni mère ni clergé. Puis il gagna son logis avec la bague. Sa femme l'attendait pour souper. Ils se mirent à table. Tout à coup, la femme, ayant tourné par hasard les yeux vers la fenêtre, s'écria « Jésus, mon Dieu! Regarde donc, Jean Clète, qu'est-ce que cela signifie ?» Il leva la tête, regarda lui aussi. À la vitre supérieure de la fenêtre était appliquée la paume d'une main verdâtre, à laquelle un doigt manquait, et, de la partie mutilée, un mince filet de sang descendait sans fin le long du verre. L'homme qui avait gardé pour lui le secret de son aventure devint tout pâle. « Attends, dit-il, je vais voir dehors ce que c'est. » Et il sortit. À l'instant, la main disparut. « Reviens, lui cria sa femme, on ne la voit plus. » Il rentra. Mais il n'eut pas plutôt repris sa place à table que de nouveau la main fut visible. La femme dit « Sûrement, il y a quelque malheur sur nous. »« Bah, répondit le pêcheur. Nous avons peut-être la berlue l'un et l'autre. Ne pensons plus à cela et allons nous coucher. Il espérait qu'une fois dans leur couverture et derrière les volets du lit clos, ils cesseraient de voir. Il se trompait, car dès qu'il eut soufflé la chandelle et que l'intérieur de la maison fut tout entier dans la nuit, la main apparut en clair sur le noir de la fenêtre. On eût dit qu'elle brillait dans l'ombre, et le sang qui s'en épanchait faisait comme une traînée de feu. Alors l'homme, épouvanté, se confessa. Il dit à sa femme le forfait qu'il avait commis. « Vous n'avez qu'un parti à prendre, » déclara celle-ci. « C'est d'aller au plus vite enterrer la bague avec le cadavre. Puis demain vous passerez chez le recteur et vous lui commanderez une messe pour une personne inconnue. » Ainsi fit le pêcheur, et la main sanglante ne se montra plus. Conté par le bourg Audierne. Histoire d'un fossoyeur. Le folklore des fossoyeurs est assez riche en Écosse, en Irlande et en Cornwall. En voici quelques extraits. Celui ou un de ses proches parents qui comble le premier une fosse ne tarde pas à mourir. On ne creuse pas de fosse le lundi. Le même fossoyeur qui a commencé à creuser une fosse doit la terminer. Haddon. En Cornouailles, avant de creuser une nouvelle fosse, le fossoyeur va sonner 3 coups à la cloche de l'église. En Cornouailles, avant de creuser une nouvelle fosse, le fossoyeur va sonner 3 coups à la cloche de l'église. Il est malchanceux d'être enterré le premier dans un cimetière. Et les gens ont une grande répugnance à quitter un vieux cimetière et en inaugurer un nouveau. Le fossoyeur de Pinvénant était, en ce temps-là, Poézévara le Vieux. On ne l'appelait guère que Poiscoz. Si vieux qu'il fût et quoi qu'il eût labouré par 6 fois toute l'étendue du cimetière, c'est-à-dire quoi qu'il eût couché successivement dans le même trou jusqu'à 6 morts, c'était un homme qui pouvait vous dire, à 1 jour près, depuis combien de temps tel ou tel était en terre, et même à quel degré de cuisson devait être arrivé son cadavre. C'est l'expression consacrée chez les fossoyeurs bretons. Poisco, il est cuit, c'est-à-dire pourri. Bref, on eût difficilement trouvé un fossoyeur plus entendu. Il continuait de voir clair comme en plein jour dans les fosses qu'il avait comblées. La terre bénite du cimetière était pour ses yeux transparente comme de l'eau. Or, un matin, le recteur le fit appeler. « Poiscoz, ma bargouenne vient de trépasser. Je pense que vous pourrez lui creuser son trou où le grand Ropers fut enfoui il y a 5 ans. N'est-ce pas votre avis ?»« Non, monsieur le recteur, non !» Dans ce coin-là, voyez-vous, les cadavres se conservent longtemps. Je connais mon Ropers. À l'heure qu'il est, c'est à peine si la vermine a commencé à lui travailler les entrailles. Tant pis, arrangez-vous. La famille de ma bargouenne désire vivement qu'il soit enterré à cette place. Ropers y est depuis 5 ans. Qu'il cède le tour à un autre, ce n'est que justice. Poiscoz s'en alla, hochant la tête. Il n'était pas le maître, il devait obéir, mais il n'était pas content. Le voilà de mettre pioche en terre. La fosse fut bientôt déblayée aux 3/4. « Encore un coup de pioche, » se dit Poiz, « et j'aurai, si je ne me trompe, atteint le cercueil. » Il le donna de si bon cœur, ce coup de pioche, que non seulement il atteignit le cercueil, mais même qu'il l'éventra. Des éclaboussures infectes lui jaillirent au visage. Il se reprocha d'avoir frappé trop fort. « Dieu m'est témoin, pourtant, » murmura-t-il, « que je n'avais nulle intention de blesser ce pauvre Ropers. Même, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas trop gêné par le voisinage de ma bargouenne. » Le brave fossoyeur passa 2 heures à évider de telle façon le fond de la fosse que 2 cercueils y pussent tenir à l'aise, celui de Ropers occupant une espèce de retrait. Cela fait, il se sentit la conscience plus tranquille, quoique néanmoins, il ne fût pas rassuré tout à fait. L'idée d'avoir brutalisé un de ses morts lui causait de l'ennui. Il ne soupa point de bon appétit ce soir-là, et s'alla coucher plus tôt que d'habitude. Il avait déjà fait un somme quand le bruit de la porte tournant sur ses gonds le réveilla. « Qu'est-ce ? » demanda-t-il en se mettant sur son séant. « Tu ne m'attendais donc pas ?» répondit une voix qu'il reconnut aussitôt malgré son ton caverneux. « Ah, te dire vrai, François Ropers, je pensais que tu serais venu. »« Oui, je suis venu te montrer en quel état tu m'as mis. » La lune était haute dans le ciel. Sa vive lumière éclairait toutes choses dans la maison du fossoyeur. « Vois, continua le spectre, on ne traite pas ainsi un vivant, encore moins un mort. » Il avait déboutonné sa veste à longue basque. Poiscose ferma les yeux. Il y avait de quoi mourir de dégoût. La poitrine du grand Ropers n'était plus qu'un trou hideux où des fragments de côtes brisées apparaissaient, mêlés à une sorte de bouillie verdâtre. « En vérité, François Ropers, suppliait le malheureux Poise, en vérité, pardonne-moi, je ne suis pas aussi coupable que tu penses. Je ne voulais pas toucher à ta fosse. Je savais bien que ton temps n'était pas fini. Mais je ne suis qu'un domestique. Quand le recteur commande, je ne peux que m'incliner, sous peine de perdre mon unique gagne-pain, car je suis trop vieux pour changer de métier. D'ailleurs, c'est la première fois que pareille chose m'arrive. Jamais défunt n'avait encore eu à se plaindre de moi. Tous ceux du cimetière te le diront. Aussi, je ne te garde pas rancune, Poiscose. D'autant plus que tu as fait ton possible pour réparer le dommage que tu m'as causé involontairement. » Le fossoyeur ouvrit les yeux. Le spectre avait reboutonné sa veste. Poiscose l'écouta parler, désormais sans épouvante. « Je vois bien, s'écria-t-il, que même dans l'autre monde, tu es resté le meilleur des hommes. »« Hélas, fit Ropers, le meilleur d'ici ne vaut pas grand-chose là-bas. » « Tu n'es donc pas entièrement heureux ?»« Non, il me manque une messe. J'ai pensé qu'après ce qui vient d'avoir lieu, tu n'hésiterais pas à la faire dire et à la payer de tes deniers. »« Certes non, je n'hésiterai pas. Tu auras la messe qui te manque, François Ropers. »« Tu ne m'as pas laissé finir. Il faut que cette messe soit dite par le recteur de Pinvénon, par lui-même, entends-tu ?»« J'entends. » « Merci, Poiscose, » prononça le spectre. Ce fut sa dernière parole. Le fossoyeur le vit sortir, traverser la place du bourg et franchir l'échalier du cimetière. Le surlendemain, qui était un dimanche, au prône de la grand-messe, le recteur annonça pour le mardi de la semaine à venir un service recommandé par Puézévara, le fossoyeur, pour l'âme de François Ropers de Kervignoux. Ce mardi arriva, la messe fut dite. Le recteur officiait en personne, et au premier rang des assistants était agenouillé Poiscose. J'y étais aussi, moi qui vous parle. Ma chaise touchait celle du fossoyeur. Au moment où l'office terminait, le recteur s'acheminait vers la sacristie. Poise me poussa le coude. « Regarde donc, » dit-il d'une voix qui tremblait. « Quoi, ne vois-tu pas quelqu'un qui entre à la sacristie ?» « Derrière le recteur ?»« Si fait. »« Tu ne le reconnais pas ?» Et comme je ne trouvais pas assez vite qui ce pouvait être, Poiscose me souffla dans l'oreille. « Mais c'est François Ropers, malheureux. C'est François Ropers !» C'était vrai. Je le reconnus tout de suite quand Poise me l'eut nommé. Le port, la démarche, le vêtement, c'était de tout point François Ropers. J'en demeurais tout abasourdi. « Tu verras. » me dit Poiscose, il y a encore quelque chose là-dessous. En effet, comme le recteur, après avoir dépouillé les ornements sacerdotaux, traversait le cimetière pour gagner son presbytère par le plus court, on le vit soudain s'affaisser sur lui-même et tomber mort, non loin de la fosse fraîchement comblée, où, près du cercueil de François Ropers, reposait celui de Mabarguen. Conté par Baptiste Geffroy, Pinvénan, 1886. Le fossoyeur Puézévara est mort en 1889. La légende est de très récente formation. Elle a pour point de départ des faits exacts. Le recteur n'est pas mort le jour où il a dit une messe pour l'âme du mort mutilé, mais il a eu une attaque ce jour-là. La croyance qu'il ne faut jamais enterrer un mort là où il y a déjà un autre cadavre se trouve en Irlande. Par exemple, dans un épisode du Voyage de Meldwyn, Henri d'Arbois de Jubainville, cours de littérature celtique, tome 5, page 495, et dans le conte de Tag O'Catain, Annales de Bretagne, tome 8, page 533-535, D. Hyde, Legends of Saints and Sinners, page 230.